Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet-Dupré 1862. Question 15. Des défaillances de l'âme du Christ. Point de péché dans l'âme du Christ. Point de concupiscence, foyer du péché. Point d'ignorance, impression ou passion dont le Christ a été susceptible. Douleur sensible. Tristesse, crainte, admiration, colère produite par le zèle de la gloire de Dieu. Son âme avait cependant la claire vue. 1. Le péché a-t-il existé dans le Christ? Le Christ dit formellement, « Qui de vous me convaincra de péché ?» Jean 8, 46. Satisfaire à notre place, prouver son humanité, nous offrir l'exemple des vertus, tel était son triple motif en prenant nos infirmités. Sous aucun de ses rapports, il n'était nécessaire qu'il prît la tâche du péché. En effet, que peut le péché pour la satisfaction? Rien, il est plutôt un obstacle. Le Très-Haut, dit l'Esprit Saint, n'accepte pas favorablement les offrandes des pécheurs. Ecclésiastique 34, 23. Aurait-il servi à prouver la réalité de la nature humaine? Non, il n'appartient pas radicalement à notre nature, dont Dieu est l'auteur. Était-il utile pour que le Christ nous donnât l'exemple des vertus? Moins encore, le vice est le contraire de la vertu même. Donc le Christ n'a dû prendre ni le péché originel, ni le péché actuel. Il n'a point commis de péché, disait très bien saint Pierre, et nulle tromperie n'est sortie de sa bouche. 1 Pierre 2, 22. Note. Adam a été le principe matériel de la nature humaine du Christ, et le Saint-Esprit le principe actif, le Christ, pour cette raison, n'a pas péché en Adam. Fin de la note. 2. Le foyer du péché a-t-il existé dans le Christ? La vertu morale soumet à la raison, d'une manière d'autant plus parfaite qu'elle est plus parfaite elle-même, la partie non raisonnable de l'âme, on le voit par la tempérance à l'égard du concupiscible, et par la force à l'égard de l'irascible. Le Christ, qui avait la vertu et la grâce dans toute sa perfection, n'a donc pas eu à supporter la concupiscence intérieure, dont les ais honorés qu'entravait la satisfaction qu'il offrait pour le péché, loin d'y contribuer. Ainsi, le foyer du péché, c'est-à-dire la concupiscence ou l'inclination de l'appétit sensitif vers les choses opposées à la raison, n'a point existé dans le Christ. Note. Il n'en fut pas moins tenté par le monde et par le démon, c'est en remportant la victoire sur ses deux ennemis qu'il mérita la couronne. Fin de la note. 3. L'ignorance a-t-elle été dans le Christ? L'ignorance ne se détruit pas par l'ignorance. Comment le Christ, qui venait apporter la lumière à ceux qui étaient assis à l'ombre de la mort, aurait-il pu être sujet à l'ignorance? De même que la plénitude de la grâce et de la vertu détruisait en lui tout germe de péché, la plénitude de la science infuse, acquise et bienheureuse, excluait l'ignorance. Note. Aussi saint Jean disait-il, nous l'avons vu, comme le Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité. Jean 1, 14. Fin de la note. 4. L'âme du Christ fut-elle passible? Les impressions de l'appétit sensitif, appelées proprement les passions de l'âme, se trouvèrent dans le Christ, comme toutes les autres choses inhérentes à la nature humaine. C'est ce que dit saint Augustin, là où se trouvait un vrai corps humain et une âme véritable, la sensibilité humaine ne pouvait pas être une illusion. Ne comparons point toutefois les passions du Christ à celles de l'homme déchu, les nôtres préviennent fréquemment le jugement de la raison et, ne s'arrêtant pas toujours à l'appétit sensitif, entraînent parfois la raison elle-même. Rien de désordonné ne pouvait exister en notre Seigneur. Par une admirable disposition de la grâce, il ne ressentait ses impressions dans sa nature humaine que quand il le voulait, de même qu'il s'était fait homme aussi quand il l'avait voulu. 5. Le Christ a-t-il éprouvé la douleur sensible? On ne saurait douter que le Christ n'ait éprouvé une véritable douleur. Son corps, passible, pouvait subir une lésion, et son âme, douée à un degré éminent de toutes les facultés inhérentes à notre nature, devait en éprouver la sensation. Note. Il a réellement pris nos infirmités et porté nos douleurs, disait Isaïe 52, 4. La béatitude est la délectation inséparable de la contemplation, renfermée dans la partie supérieure de son âme, ne rejaillissait ni sur son corps, ni sur ses facultés sensitives, où la douleur sensible était possible. Fin de la note. 6. Le Christ éprouva-t-il la tristesse? Mon âme est triste jusqu'à la mort. Matthieu 26, 38. De même que le Christ éprouva une véritable douleur, il put de même ressentir une véritable tristesse en percevant certaines choses comme nuisibles ou mauvaises, soit pour lui-même, par exemple, sa passion et sa mort, soit pour les autres, comme le crime horrible dont les Juifs allaient se rendre coupables. Note. Quand ces sortes d'impressions sont soumises à la raison, et qu'elles ont lieu dans le temps et dans les circonstances convenables, elles n'ont rien de vicieux. Une chose, voulue pour une fin, peut très bien être en elle-même contraire à la volonté, une médecine amère n'est pas voulue pour elle-même, elle ne l'est que pour la guérison qu'elle peut procurer. Fin de la note. 7. Le Christ a-t-il éprouvé la crainte? Jésus commença, dit l'Évangile, à ressentir de la frayeur et de l'ennui. Marc 14, 32. Il éprouva donc la crainte aussi bien que la tristesse. Cette crainte n'était pas celle qui résulte de l'incertitude d'un événement ou d'un malheur futur. Il est évident que l'on ne saurait admettre une telle appréhension dans le Christ. Celle qu'il éprouva n'était autre que cette émotion de l'appétit sensitif qui tend naturellement à se soustraire à un mal imminent. Note. Quand l'Esprit Saint nous dit que le juste ne craint rien, il veut nous faire entendre qu'il n'a pas la crainte qui trouble la raison. Proverbe 27, 1. Fin de la note. 8. Le Christ a-t-il éprouvé l'admiration? Nous lisons dans l'Évangile que Jésus, entendant les paroles du centurion, en fut dans l'admiration. Matthieu 8, 10. Certaines choses, en effet, pouvaient être insolites et nouvelles pour sa science expérimentale. Note. Il a voulu éprouver l'admiration, pour nous apprendre à admirer ce qu'il admirait lui-même. Fin de la note. 9. Le Christ a-t-il éprouvé la colère? La colère appelée par Saint Grégoire colère du vice, par laquelle on cherche une vengeance déraisonnable, n'a pas pu se trouver dans le Christ. Celle qui désire la vengeance conformément à la raison, et que le même docteur a nommé colère du zèle, a pu exister, car, loin d'être un péché, elle est un sentiment digne d'éloge, quand elle est inspirée par l'amour de Dieu. Aussi cette parole du prophète, « Le zèle de votre maison me dévore », est-elle appliquée au Christ par les évangélistes. Jean 2, 17. Note. Il y a deux sortes de colère. L'une, prévenant la raison, l'entraîne à sa suite, et alors on dit que c'est elle qui agit. Tel est le sens de cette parole, la colère de l'homme n'opère pas la justice de Dieu. Jacques 1, 20. L'autre, marchant à la suite de la raison, en devient l'instrument, dans ce cas, l'action, conforme à la justice, est attribuée à la raison elle-même, et non à la colère. Fin de la note. 10. Le Christ, voyageur sur la terre, jouissait-il de la béatitude du ciel? Le Christ, qui voyait par son âme, même avant sa passion, l'essence divine, possédait sous ce rapport la béatitude de la patrie céleste, mais, sous d'autres rapports, la béatitude lui faisait défaut, car son âme était sujette à la souffrance, ainsi que son corps. Il était, par conséquent, tout à la fois dans la condition des habitants du ciel, comme jouissant de la béatitude propre à l'âme, et dans celle des âmes qui voyagent ici-bas, en tant qu'il tendait vers la partie de la béatitude qui lui manquait avant sa résurrection. Markendanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.